chapitre 51 et dernier chapitre de la chèvre d'or. Les ironies de Norette. Hélas, que Saladine avait raison. Au bout d'une semaine, malgré nos soins, Monsieur Honorat s'est éteint, tranquille, presque sans agonie. Peu d'instants auparavant, très affaibli, mais en possession de toute sa raison, il me faisait mille recommandations à propos des vignes et plaisantait avec Norette. Il ne se plaignait pas de souffrir, mais rester immobile l'ennuyait. Il a voulu boire, et surpris, sans transition aucune, nous nous aperçûmes qu'il délirait. Il croyait être enfant. Il parlait de sa mère, et revivant dans l'éclair d'une vision ses années, il appelait d'anciens amis, partait pour de lointains voyages. Puis il s'est tu. Ma main qu'il serrait s'est glacée. « Père, où es-tu? Papa !» sanglotait Norette à ses genoux. Les prieurs, des paysans vêtus en moine, sont venus prendre le cercueil et l'ont porté se relayant jusqu'à l'église et jusqu'au cimetière. L'abbé Seb chantait les prières. Nous suivions avec patron Ruff et Gantôme, accourus dès la triste nouvelle, avec peu parle et tout le village. Au retour, j'ai retrouvé Norette, en compagnie de Tardive, dans la chambre où se consumaient les trois cierges, et qu'elle n'avait pas voulu quitter. Le soleil entrait par la fenêtre grande ouverte, caressant du même rayon joyeux le lit sur lequel Monsieur Honorat était mort, et le front pâle de ma femme, ses yeux pleins de larmes mais agrandis, animés déjà par l'étonnement anxieux des premières maternités. Alors, songeant au pauvre vieux brave homme qui ne verrait plus ce soleil, qui ne connaîtrait pas ce petit-fils d'avance tant aimé, j'ai senti soudain tout mon courage s'évanouir, et venu pour consoler, j'ai pleuré moi-même. Quel que soit l'excès de douleur, la vie proteste contre la mort, et toujours à la traîne de nos deuils se mêle celle de nos joies. Peut-être aurais-je pu, me dispensant d'écrire ces dernières pages, m'arrêter à la minute heureuse qui, sous les rocs blancs d'aigues sèches, jeta Norette dans mes bras. Mais cette mort de Monsieur Honorat se rattache précisément et de façon assez singulière pour moi à mon aventure de la chèvre d'or. « Ayez bien soin de mes semis !» m'avait dit avant d'expirer, et presque comme recommandation dernière, le brave homme, jusqu'à la fin, préoccupé de sa manie. Ces paroles, longtemps oubliées, me revinrent un jour en mémoire. Février finissait, ses fleurs naissaient sur les collines, et des brins de gazon luisaient parmi les rocs, annonçant le printemps si bref et si enivrant de Provence. Tandis que Norette, mère avec emphase, promenait au jardin l'héritier. « Allons voir, me dis-je, où en sont les semis du pauvre grand-père ?» Les semis n'avaient pas bougé. Peut-être faudrait-il, afin de leur donner un peu d'air, gratter légèrement le sol de la pépinière. Je pénétrai donc pour la première fois sous une voûte basse, creusée dans les fondements de ma tour et défendue par un vitrage, sorte de cave dont on avait fait une serre, où Monsieur Honorat remisait ses outils. Des limaces s'y promenaient, et les murs exhalaient cette odeur de terreau humide et de moisi que connaissent bien les amateurs d'horticulture. Je ne voulais que prendre la binette, une curiosité ironiquement émue m'arrêta. Le long du mur, sur des étagères, des paquets s'alignaient avec leurs étiquettes. Clairé, muscat, grec à grain double, toutes les variétés que M. Honorat comptait voir pousser et mûrir dans ses domaines du Puget-Mort. Un des paquets, celui du grec à grain double, me parut de parchemin, et quelle ne fut pas en l'ouvrant ma surprise de reconnaître, avec sa couleur jaune et ses lettres pâlies, un feuillet du livre de raison. D'où venait-il? Et qui l'avait lacéré, ce livre de raison, avant l'hécatombe pieusement sacrilège opérée par l'abbé Seb à la demande de Madame Honora Gazan. Quelques mains ignorantes, celles de Saladine. Peut-être aussi le feuillet est-il celui que Madame Honora voulut garder, et mourante fit déchirer par Norette. En tout cas, voici ce que disait la feuille par miracle échappé. Et comme, sans compter les sanglantes inimitiés fomentées entre parents et frères, cette cabre d'or ne se plaisait qu'en lieu périlleux. Baume sauvage ou précipice, quiconque eût tenté, la suivant, conquérir le trésor sarrasin des rois de Majorque, s'exposait à de sûres morts. Aussi, pendant 1000 ans et plus, aucune fille, soit des Galfars, soit des Gazans, soit de tel autre cousinage, ne voulut pas, par crainte des dangers à courir, rien révéler, touchant lesdits trésors, ni à celui qui l'avait épousé, ni à personne autre qu'elle aimait. Il est même certain qu'au temps du roi René d'Anjou, dame Guiraude Gazan, violemment sollicitée à ce sujet par le sien mari, qui était homme fort dépensier et grand joueur, lui répondit « Prenez mes bijoux et vendez-les, si l'or vous manque. Mais je tiens encore bien trop à vous, malgré votre méchante vie, pour mettre entre vos mains un secret qui a déjà coûté tant de malheurs. » Et le mari, toujours la pressant, après s'être seul enfermé dans sa chambre ronde de la tour, elle jeta au feu, noblement et d'un fier courage, le talisman qui était fait d'une clochette en argent fin avec un collier de bois, comme on les met au cou des chèvres, le tout travaillé curieusement et couvert de mystérieuses écritures. La clochette ne fondit point et se retrouva dans les cendres. Mais le collier, ayant brûlé, les trésors avec lui partirent en fumée, car l'inscription avait été si industrieusement combinée que moitié s'en trouvait dessous la clochette et moitié dessus le collier, de sorte que avoir l'une des parts sans posséder l'autre, c'était tout comme n'avoir rien. C'est ainsi, concluait le naïf document, que dame Guiraude volontiers perdit le secret de la chèvre, le destin des femmes dans notre famille étant, dit un proverbe, de maintenir leur mari pauvre par faute de trop les aimer. En me voyant sortir de la serre, par le vitrage de laquelle il lui était facile de m'épier, Norette, toujours mélancolique, s'est mise à sourire. Pourquoi ? Aurais-je été sa dupe ? Ce serait-elle par besoin de malice féminine et pour colorer notre ingénieux roman d'amour d'un vague reflet d'héroïsme, simplement amusée de moi à propos de la chèvre d'or ? Bien des détails qui maintenant me reviennent en mémoire, sans sourire, la découverte du fragment de parchemin précisément dans un endroit où Norette savait bien que je le trouverais un jour ou l'autre, pourrait le faire supposer. Mais non, Norette n'a jamais songé à déchiffrer ces pages jaunies. Norette croyait, comme j'y croyais, au trésor gardé par la chèvre. Et c'est de bonne foi tous les deux, d'un même élan de cœur, avec le même enthousiasme, que, le jour de la pêche à l'oursin, dans la calanque d'aigues sèches, Norette, pour être sûre que je l'aimais, moi, pour prouver que j'aimais Norette, nous renouvelâmes, en le complétant, le sacrifice de dame Guiraude. Au surplus, tout est bien mieux ainsi, et les légendes, comme les amours, gagnent à garder un peu de mystère. Fin du chapitre 51, fin de la 10e partie et fin du roman de Paul Arène, La chèvre d'or.